j'attaque le show business. Sans cesse j'attaque le show business. Sans cesse j'attaque le show business. Quoi que ça t'en penses, on fonce, on fonce, on fonce dans le tas. Originaux, on plaisante. Carré ma fille à ma business, y'a pas d'appart show. On fait notre entrée dans le business show. Antifacho, héros noir au crâne chaud. Son show, ramène les faux à l'échafaud. Il faut différencier le vrai du faux. On fonce dans le tas, originaux, on plaisante pas. Carré ma fille à show business, y'a pas d'appart. On lève les bras, considérez ça comme une menace. Un seul est nommé après du 1-1-3 qui vient prendre la caillère. Ça passe sous sa casse comme Montana Las. Ça passe sous sa casse. Si moi je mets d'aide sur la place. Sur la place. Plus moyen d'escroquer une crapule de ma race. Le show business la face. Ceux qui gesticulent comme des tasses. C'est soit t'es vrai, soit tu fais la double face. Soit tu suces pour des liasses. Ou comme nous, garde la classe. C'est comme Empire. Un quartier où se déchirent toutes sortes de martyrs. Tous condamnés à galérer la nuit comme des vampires. C'est avec Crimcar, la vitrice sur scène. Ça se passe, disque sorti. Royalties. Faut qu'on brasse un max. Faut que je ramène le disque d'or pétasse. Comme mon pote Kerry James me passe le mic, faut qu'on le fasse. C'est qu'on espace, sur ce je me casse. Le bal, le tapis rouge, laisse nous amasser la caillasse comme as. Car l'équipe est original, clique, plaisant pas. Au mic, on en mac plus d'un. Mac plus d'un, match cousin. Ma position face au show business. Attention. Capri mafioso, ignore-tu l'adresse, l'issue. Pour les mecs de rue habiles sur instru. Restez authentiques ou pondez et t'es dire parvenu. Le rêve a choisi, éduqué et compté parmi ceux qui niquent la police et rêvent de shooter un flic nerveux. Je parle pour les parias, passible du parloir. Je m'accroche à ce que j'ai pour récolter ma poignée de dollars. Comme personne, on deal du rap ornant. Là ce que proposent les vrais dans leur plus dangereuse forme. Un freestyle racaille, de plus style que t'es nous c'est un nouvel album, hardcore flow, voilà MC. Get l'attaque, la classe, des masses, des marques. C'est psychopathe et pour ta carte, ça vient du 9-4. On casse, 4 original, clique, plaisante. Carré ma vie, y'a ma business, y'a pas d'appart. Show, show, notre entrée dans le business show. D.R.Y. mène les fonds à l'échafaud. Écoute mec, original, clique, plaisante pas. Dynamite ton show, me fais pas la bise. J'suis pas ton gars, sache qu'un 1-9-9 vu dans ta radio, ce ne sera que ma voix. Ça sera que ta voix, 1-9-9-9. L'année de la Capri Mafia. Pas sous soldat, on ne rit pas. On plaisante pas, on a la rage, pas de faux pas. À faire des rages, du rap violent sur un beat dur. J'affiche le CSA et ne subis aucune censure. C'est dur, et original MC authentique. Authentique. Du rap vrai et ne souffrir aucune critique. Aucune critique. Rien n'a changé car faut du fric pour le manger. Ne donne pas ton cul comme une pétasse pour mieux manger. Pour mieux manger. Regarde dans mon dos, cousin. Tu verras graver à vie la marque du vrai soldat africain. J'éclate l'éthique D.R.Y. freestyle de sadique. C'est un deuxième couplet des mecs au flow toujours authentique. On se lève le glaive face à ces mecs qui pèse à l'aise, du 2001 sous au 113. Nous dans le show business, sachez que personne nous baisse. Car contre G à Z, on est brûlant comme la braise. La langue de gang ouvre ses portes à la puissance de Téléric. Dénonce l'injustice, les plus ghetto youth jamais n'aboutissent. Dans l'exercice du vice, mon indice, explicite lyrics. Niquer le box office, exposer hit et ça pas gratis. Le 2, show business 2, nous on plie en 4. Deux ans après, une autre équipe de la banlieue 9-4. Y'a le feu, au microphone j'ai un style hatta. T'as pris ma fille à la de l'on vient, tu sers d'appât. Je plaisante pas, je nique le show pour profiter du business. Reste les MC en laisse tout près du succès. Ouais, mais pas un tête du slackness. Dédicace à MS et sur la BASS. On pratique un rap authentique au flow dramatique. Un putain de cas, aucun free technique sur violent breakbeat. Show business 1 pour show business 2. Le groupe c'est idéal et africain et l'esprit mafieux. On fonce dans le tas, original, on plaisante. Capri ma vie, ma business, y'a pas d'appart. Show, show, notre entrée dans le business show. Antifacho, héros noir au crâne chaud. Son show, ramène les faux à l'échafaud. Il faut différencier le vrai du faux. On fonce dans le tas, original, on plaisante. Capri ma vie, ma business, y'a pas d'appart. On fonce dans le tas, original, on plaisante. Ma business, y'a pas d'appart show. On fait notre show, on fait dans le business show. Antifacho, héros noir au crâne peu chaud. Son show, ramène les faux à l'échafaud. Il faut bien faire mon ciel, le bien tu vis. On fonce dans le tas, original, clique, plaît pas. Qu'après ma fille, y'a pas d'appart. On fonce dans le tas.